14-8, observation, degré de politesse. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Est-ce que je peux vous accompagner? Est-ce que vous me permettez de vous accompagner? Est-ce que je peux me permettre de vous accompagner? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner? Notez que la première phrase peut ne pas être polie du tout, suivant la situation et le ton de la voix. La dernière phrase, au contraire, est la quintessence de la politesse. Notez que, d'une façon générale, plus la formule est polie, plus elle est longue.